L'actualité à Nancy et ailleurs. Le Business School Festival revient cette année, le samedi 1er septembre, au stade Raymond Petit à Tomblaine pour une 6e édition. Caroline Pacotte, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes responsable événementiel pour le compte de la CCI du Grand Nancy et vous organisez donc ce rendez-vous, cette 6e édition du Business School Festival. Première question, tout simplement, c'est quoi le Business School Festival? C'est un événement donc qui va se dérouler donc au stade Raymond Petit de Tomblaine, donc le samedi 1er septembre. Et donc c'est un événement qui a destination des entreprises, donc des chefs d'entreprise, des collaborateurs, mais aussi des familles, des amis. Tout le monde se réunit en fait pour une journée de sport, de détente, de challenge team building. Tout ça, voilà, dans la convivialité. C'est le départ en fait, voilà, de la rentrée, histoire de se retrouver tous ensemble, voilà, avant la nouvelle année. Voilà, pour bien redémarrer. Donc la 6e édition, ça mord bien donc auprès des entreprises qui y participent. Oui, il y a beaucoup de participants. Chaque année, on a un peu plus de 150 entreprises qui sont représentées, participent aux différents challenges que nous proposons. Et donc, on a un peu plus de 2500 visiteurs sur la journée. Donc c'est une manifestation qui démarre dès le matin avec le démarrage du tournoi de football, donc à destination de 32 équipes de foot, et pour toute la journée, voilà, avec plusieurs challenges qui vont se dérouler sur le stade, jusque tard dans la soirée. Oui. Voilà. Il y a énormément d'activités proposées, mais bien sûr, cette nouvelle édition apporte son lot de nouveautés. Qu'est-ce qui va se passer de nouveau pour les participants cette année? Pour vous résumer un peu le programme, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vrai que sur le Business School Festival, donc on va retrouver le tournoi de football inter-entreprise, 32 entreprises de Meurthe-et-Moselle. On a ensuite des challenges inter-entreprise. Donc le challenge inter-entreprise, où là, il y aura de la culture générale, de l'adresse, pas mal de choses pour à peu près 32 équipes, 32 entreprises qui s'affronteront. Le challenge avec en partenariat avec la banque Kolb, le challenge Kolb Lenta. Donc là, ça sera plutôt des compétitions avec des épreuves du poteau, des tirs à la corde, des parcours de l'aventurier. En nouveauté, cette année, on a mis en place un Warrior Challenge. Donc là, on n'est plus dans une équipe, dans une animation vraiment de force, d'entraide et de cohésion donc avec les différentes, différents collaborateurs. Les personnes vont devoir franchir des obstacles, donc de montée à la corde, de descente sur filet, des transports de rondins, des passages, voilà, sur des pneus suspendus. Donc voilà, tout ça passé en équipe. Donc voilà, sur le challenge, Warrior Challenge, c'est une nouvelle épreuve cette année. Donc, pour l'instant, c'est vrai que ça risque d'être vraiment sympa pour les participants. On a aussi en nouveauté cette année un partenariat aussi avec les différents clubs pro. Donc avec un village qui s'appelle Joula comme les pros. Donc on va retrouver la SNL, le SLUC, le VNVB, le Grand Nancy Métropole Handball, où on va pouvoir organiser aussi tout ce qui est mini-tournois, des animations aussi, des différentes activités sportives. On aura un tournoi de rugby à 5 en partenariat avec AG2R La Mondiale. Le fameux relais 4x400 mètres en partenariat avec Home Alliance, mais qui fonctionne aussi très très bien. Donc là, voilà, sur la piste du fameux meeting Stanislas, les personnes vont commencer à pouvoir courir et se passer le bâton. Ça fonctionne très très bien. Nous avons forcément la course à 17h30, la course de 6 et 10 km autour des rives de Meurthe. Donc une course qui est appréciée chaque année, où là, les personnes peuvent venir et profiter d'un parcours autour des rives de Meurthe. Et donc sur la journée, ensuite, on a forcément la remise de prix qui se fera donc sur la scène du Business School Festival, le barbecue géant pour les entreprises, les collaborateurs, les familles, les amis qui se joignent à la manifestation. Et donc il y aura aussi en soirée un concert et le fameux lâcher de 700 lanternes. Exactement. Dans le ciel de Tomblaine. Voilà. Voilà, beaucoup de choses. Donc pour cette 6e édition, donc le samedi 1er septembre de 11h à 23h, ça se passe toujours sur le stade Raymond Petit à Tomblaine. C'est une constante aussi, ça. Oui, c'est ça, tout à fait. On est toujours sur un site qui est parfait pour organiser notre manifestation. Donc on remercie bien sûr la métropole du Grand Nancy pour cette mise à disposition, en sachant qu'on a aussi donc la commune de Tomblaine aussi qui est partenaire de la manifestation et la ville de Nancy aussi pour tout son apport aussi au niveau du matériel. C'est vrai que sans Dieu, ça reste d'être compliqué pour organiser une telle manifestation, voilà. Oui, parce que vous avez dit combien de participants chaque année ? Plus de 2500 participants, voilà, tout à fait. Un petit village. Voilà, c'est ça. Un tel rendez-vous, ça représente quoi pour la CC Grand Nancy Métropole ? C'est vrai que pour nous, c'est important aussi de reprendre contact avec les entreprises au niveau local. On est très impliqués aussi sur la nécessité du sport bien-être en entreprise. Voilà, il y a beaucoup d'actions qui sont menées chez nous avec différents aussi partenaires, les mutuelles aussi, voilà, avec qui on travaille. Et c'est vrai que le Business School Festival permet de proposer sur une journée une manifestation, voilà, pour des entreprises qui peut-être n'ont pas forcément le temps ou la possibilité d'organiser voilà un challenge team building dans l'année, de se retrouver avec ses collaborateurs. Donc ça permet vraiment de pouvoir apporter ce petit plus aux entreprises du 54. Exactement. Donc la sixième édition, c'est le samedi 1er septembre de 11h à 23h sur le stade Raymond Petit à Tomblaine. Voilà. Vous avez dit plus de 150 entreprises. Il y a encore de la place si certains veulent peut-être Alors, leur chance. Oui, c'est vrai que j'ai j'ai le challenge Colblenta qui est actuellement complet, mais il me reste quelques places sur le Warrior Challenge. Ensuite, on a aussi, il me reste quelques places sur le challenge inter-entreprise. Sur le foot, il doit me rester deux places à cette heure-ci, alors où je vous parle. Mais après, voilà, il reste forcément de la place sur le tournoi de rugby. La course, on n'a pas de limite. Enfin, de limite au niveau du nombre de participants, donc il n'y a aucun souci pour tout ce qui concerne la course, le relais, et bien sûr après tout ce qui est mini-tournois qui seront organisés donc avec les clubs pro. Donc de toute façon, il n'y a aucun problème pour les entreprises, même les collaborateurs, pour venir passer une bonne journée. Mmh. On a aussi tout un village aussi, j'ai oublié de dénoncer, mais le village des défis sport qui organise aussi avec l'office municipal des sports et puis aussi le comité départemental olympique et sportif, avec beaucoup d'animations voilà, qui seront aménagées. Voilà, on a aussi du BMX aussi, des courses d'orientation. On a aussi Aquaris Mutuel qui nous met en place une fan zone de détente, voilà, un espace où on pourra venir soutenir son entreprise, mais aussi se détendre. Et bien sûr, tout un espace réservé aussi aux enfants, voilà, vu que c'est ouvert aussi aux familles, voilà, donc avec tout ce qui concerne les structures gonflables, du maquillage, des clowns, donc voilà. C'est une après-midi très dense en tout cas. Pour retrouver toutes les infos, voire pour s'inscrire, comment on fait ? Alors, pour s'inscrire, vous pouvez me contacter donc sur le téléphone au niveau de la CCI. Je peux vous donner mes coordonnées. Donc, c'est au 03 83 85 54 31. Ou voilà, vous pouvez aussi aller sur notre site internet businessschoolfestival.fr. Et voilà, aussi aller voir notre page Facebook. Vous aurez toutes les informations concernant le déroulé de cette journée. N'hésitez pas à nous contacter pour voir vous inscrire. Pour les personnes aussi qui le souhaitent au niveau de la course ou des entrées simples, il y aura forcément des caisses aussi qui se situeront donc à l'entrée. Et donc les personnes pourront aussi venir et participer à la manifestation le jour J. Pour les personnes extérieures, pour les coureurs, les sportifs, il y a possibilité aussi de s'inscrire sur la course sur le site de chronopro.net. Eh bien, Caroline Pacotte, merci beaucoup pour toutes ces infos. Merci beaucoup, merci bien, merci à vous. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.